Vous vous en souvenez peut-être, lorsque j'ai rencontré Monsieur X, ou plutôt, lorsqu'il m'a abordé, je me trouvais à la bibliothèque de l'Arsenal où j'étudiais les événements ayant précédé l'armistice de 1940. La guerre de 39-40 eut une période qui semble avoir marqué durablement Monsieur X. Il a commencé, au cours de notre premier entretien déjà diffusé, à me raconter les secrets de la cinquième colonne, une cinquième colonne qui n'était ni un mythe, ni un bobard, comme on l'a souvent cru, mais une réalité. Et M. X de me démontrer que la trahison, comme il disait, existait au plus haut niveau du commandement, sinon comment expliquer la passivité et les bévues de nos chefs, alors même que les plans de l'ennemi leur avaient été communiqués mois après mois par nos services de renseignement. C'était donc l'opinion de M. X, une opinion étayée par quelques arguments sérieux, très troublants. Mais selon lui, il y avait encore plus grave. Il prétendait que cette trahison n'était que la partie émergée de l'iceberg. Au-dessous, dans les profondeurs glauques de la politique et de la haute finance, il y avait un complot. Un complot ourdi depuis plusieurs années et qui n'avait qu'un but, en finir avec la République et donc installer un régime autoritaire et antidémocratique, comme en Italie, comme en Allemagne et aussi comme en Espagne. Et vous verrez que dans cette histoire, le rôle de l'Espagne n'est pas mince. Toutefois, au cours de ce premier entretien, M. X ne m'en avait pas dit plus. Un jour, peut-être. Je sais maintenant qu'il me faut respecter les caprices de ce vieux monsieur si je veux qu'il continue à me distiller ses secrets. Alors, j'ai patienté. Et enfin, cette semaine, il a consenti à revenir sur ces événements de 1940. Une précision à l'adresse de ceux qui découvriraient ces entretiens. Monsieur X, bien qu'il reste extrêmement discret sur ses activités passées, a exercé des fonctions qui l'ont amené à fréquenter de très près les instances politiques et surtout les services de renseignement. Je n'en sais pas plus et je doute de pouvoir en apprendre plus un jour. Il me faut donc faire confiance à Monsieur X. Mais je dois reconnaître que jusqu'à maintenant, je n'ai pu le convaincre de mensonges ou de mythomanie, car ses propos collent toujours à la vérité apparente, en tout cas celle que nous avons lue dans les livres d'histoire. Enfin, il me faut dire aussi que M. X n'est pas le premier à avoir parlé de complot au sujet des événements de 1940, et dans l'acte d'accusation du maréchal Pétain, figurait explicitement ce mot « complot ». Mais il faut bien reconnaître qu'en 1945, les magistrats de la Haute Cour de justice n'ont pu établir la matérialité de ce complot. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Si soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, trop plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Tout, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu fous disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah, yeah. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Parler de complot, vous en conviendrez, c'est quand même extrêmement grave, non ? Je ne parle jamais à la légère, monsieur. Oui, mais là, pour une fois, il va falloir prouver vos allégations. Hein. Qu'un problème. Bon, alors une question d'abord. Hein. J'imagine que Pétain doit être au centre de votre histoire. Hein. Alors, est-ce que c'est lui qui est l'âme de ce complot ? L'âme, certainement pas. Mais le principal bénéficiaire, oui, ça vous en conviendrez. Oui, mais là, vous reprenez la thèse traditionnelle de la marionnette. On se serait servi de Pétain, de son image, de son prestige. Et puis lui, au fond, il aurait cédé devant l'insistante sollicitation de ses admirateurs. Vous allez un petit peu vite, quand même. D'abord, laissez-moi vous dire qu'à l'époque, je n'avais que des soupçons. Et que c'est ensuite, après la guerre, que j'ai pu comprendre vraiment ce qui s'était passé. Bon, j'ai recoupé les renseignements confidentiels que je détenais, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas grand-chose à me refuser, et enfin, j'ai fouillé dans des archives encore inédites, et je suis arrivé à cette conclusion, oui, il y avait bien eu complot. Bon, alors par où on commence ? Par un voyage mystérieux, le 9 juin 1940, exactement, une des journées les plus dramatiques de notre histoire. La veille, les troupes hitlériennes ont franchi l'Aisne. Paris est menacé d'encerclement. Partout, sur le front, c'est la débâcle. Et nos propres forces sont paralysées par l'exode. Un exode, je vous le rappelle, qui n'est pas fortuit. Cinquième colonne, souvenez-vous. Car l'ennemi, grâce à cette fameuse cinquième colonne, l'encourage pour paralyser le mouvement de nos troupes. Quant au gouvernement, qui est encore présidé par Reynaud, il ne pense qu'à une chose, quitter Paris, et puis se faire la malle, c'est bon. On dit vulgairement. Ouais. Et ce voyage mystérieux là. J'y viens. Ce 9 juin... Un homme clé de la politique française disparaît. Pendant 6 jours, on ne sait pas où il est, évanoui. Drôle de période pour ainsi prendre la file de l'air. Voilà, cessez de faire des mystères, hein. Je sais que vous avez l'habitude, mais enfin, de qui s'agit-il ? De Pierre Laval, ancien président du Conseil, personnage influent du Sénat et intrigant toujours. J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas du tout, celui-là. Bon, mes sentiments personnels n'ont rien à voir dans cette histoire. Alors, vous savez où il est parti, Laval ? Oui, et quand je vous l'aurai dit, vous aurez compris une grande partie de cette affaire. Laval a donc pris la direction de l'Italie. Or, on est le 9 juin, je vous le rappelle, et c'est le 10 juin que Mussolini déclare la guerre à la France. Le fameux coup de poignard dans le dos, comme on a dit à l'époque. Je m'en souviens, ça. Enfin, je m'en souviens, je l'ai lu dans les livres d'histoire. Mais enfin, c'est vrai que cette tardive déclaration de guerre, hein, puisque c'était le 10 juin, était sans grand risque. Hein. Hitler, si je puis dire, avait déjà fait le travail. Oui, exactement. Donc, Laval se rend chez l'ennemi, un ennemi qu'il fréquente d'ailleurs de très longue date, puisque Laval a toujours été un des plus, comme vous le savez, un des plus farouches partisans d'un rapprochement avec l'Italie fasciste. Oui, ça c'est juste. Mais donc ce voyage, donc le 9 juin, veille de la déclaration de guerre de l'Italie, que va-t-il faire, lui, en Italie ? Eh bien, Monsieur Laval va rencontrer secrètement son compère Mussolini, ce qui n'est guère étonnant. Enfin, ce rendez-vous qui a lieu quelque part du côté du Brenner, il y a un autre participant de premier plan, c'est Hitler. Pas moi. Pas moi. Et qu'est-ce qu'il se dit au cours de cette rencontre ultra secrète ? Bah écoutez, j'étais pas sous la table. Enfin, c'est pas très difficile à deviner. Hein. Les trois hommes ont mis la touche finale au complot contre la République française. Ouais, supputation. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est 3 jours plus tard qu'en plein Conseil des ministres, Pétain, vice-président du Conseil, va assassiner le gouvernement en se désolidarisant. C'est ce qu'on appellera plus tard un coup d'État en douceur. Bon, un coup d'État qui a été mis au point en Italie avec Mussolini, Hitler et Pierre Laval. C'est quand même difficile à imaginer. Bah, pas du tout. Et moi, j'ai toujours été frappé par une extraordinaire coïncidence. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, au soir de ce même 9 juin, le maréchal Pétain a disparu lui aussi? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il est allé lui aussi rencontrer Mussolini et Hitler. Non, non, non. Mais je remarque que Pétain part en même temps que Laval et qu'il est le premier membre du gouvernement à abandonner la capitale. Et je vous le répète, quand il va reparaître au Conseil des ministres, ce sera pour lire un texte qui réclame l'armistice et ébauche le futur programme de la Révolution nationale. Un texte qu'il n'a manifestement pas écrit lui-même, puisque, bon, tout le monde le savait à l'époque, Pétain n'écrivait pas. On écrivait pour lui. Bon alors, vous comprenez maintenant, non ? Patrick Pénaud a rencontré Monsieur X. Bien sûr, je laisse à Monsieur X la responsabilité de ses propos. Et je sais très bien que plus de 50 ans après, les passions sont encore vives et que les allégations de mon interlocuteur ne manqueront pas de provoquer de nombreuses réactions. Mais gardons la tête froide et examinons les faits. La rencontre Hitler-Mussolini-Laval d'abord. À ma connaissance, on l'a évoqué une fois au moins au cours du procès de Laval devant la Haute Cour. D'après Fred Kupferman, biographe de Laval, un diplomate portugais a affirmé avoir vu l'homme politique français sur le quai d'une gare de Milan le 10 juin 1940. Peu après, dans la même gare, ce diplomate a croisé Ciano, le gendre du dictateur italien. Ciano lui a confié que Laval venait de rencontrer secrètement Hitler et son beau-père. Autre chose, ce que M. X a appelé le coup d'État en douceur de Pétain. La scène se passe le 13 juin en Touraine, à Cangé. Le Conseil des ministres s'ouvre dans une atmosphère de panique. Reynaud vient de supplier Roosevelt d'entrer immédiatement dans la guerre, mais les Américains se dérobent. Soudain, le généralissime Weygand intervient. Il vient de recevoir un message de Paris. Thorez va s'installer à l'Élysée, c'est la stupeur. Mandel, le ministre de l'Intérieur, prend immédiatement les choses en main, il donne quelques coups de fil à Paris et dément avec vigueur les informations de Weygand. Mais chacun sent bien au Conseil qu'il y a de la manipulation dans l'air, peut-être un putsch militaire en préparation. C'est alors que le maréchal Pétain prend la parole. Il a un papier à la main. Comme la salle est mal éclairée, il va jusqu'à une fenêtre et lit son texte. Je résume. Pour le vieux maréchal, il n'y a plus qu'une extrémité, c'est l'armistice. Et après avoir développé les grandes lignes d'un programme de renaissance française, je le cite, il se désolidarise à l'avance de tous les membres du gouvernement qui envisageraient de quitter la France pour poursuivre le combat. Mais reprenons la suite de mon entretien avec M. X. Bon, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que dans la France de cette époque, Pétain est un personnage incontournable, un mythe à lui tout seul, une sorte de statue vivante. Le héros de 14-18, son œil bleu fascine, sa forme physique impressionne quant aux dames. Ah, les dames, tiens. Non, inutile de verser dans le ragot, mais elles sont quand même nombreuses à tourner autour de lui et à tomber parfois dans son lit. Et à son âge. Bien, disons que de ce point de vue aussi, le maréchal est resté très vert. Et paradoxalement, dans une France qui est encore très catholique, cet aspect le sert politiquement. Je comprends pas, là. Bah, si, c'est très simple. Comment un vieux militaire marié à une divorcée, amateur de bonne fortune, ne serait-il pas républicain, alors que les officiers supérieurs de l'époque sont encore farouchement conservateurs, sinon monarchistes. Bon, cette fameuse vie amoureuse plutôt libre vaut à Pétain d'être abondamment courtisé par la gauche. Blum, lui-même, lui a fait les yeux doux et n'aurait pas été fâché, je pense, de le prendre dans son gouvernement, c'est dire. Ouais, moi, je croyais quand même que c'était plutôt la droite, sinon l'extrême droite qui essayait de le récupérer. Bah, là aussi, vous avez raison, mais comme je vous l'ai dit, tout le monde veut l'avoir avec soi. Bon, c'est une vedette, c'est une garantie de popularité, mais le vieux, lui, se tait. Il est matois, prudent, bon, il se fait désirer, il devine qu'un jour ou l'autre, on va faire appel à lui. Ouais, et à ce moment-là, c'est bien connu, il fera don à la France de sa personne. Ouais. Mais bon, c'est quand même un peu contradictoire avec le début de cet entretien, puisque vous m'avez dit que si complot il y avait, Pétain n'en était pas l'âme. Mais non, c'est pas contradictoire. Pétain laisse faire ses amis sans se mouiller, hein, lui-même, si vous me pardonnez cette expression. Alors, ses amis, de qui voulez-vous parler exactement ? D'abord d'un homme, Henri Lemery. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, et pourtant, cet homme va jouer un rôle considérable auprès de Pétain. Alors, qui c'est ce Lemery ? C'est un avocat qui a siégé au Sénat, et surtout qui a été ministre, très brièvement, de la justice grâce à Pétain au moment de l'affaire Stavisky. Mmh. Bon, à cette fameuse époque où l'extrême droite voulait nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire essentiellement les caves de la République. Lemery est de ce clan-là, de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est oui. Hein. Bon, c'est lui qui va en quelque sorte faire l'éducation politique du vieux maréchal. Il trouve d'ailleurs en Pétain un élève assez doué qui sait se taire lorsqu'il le faut et parler lorsqu'il sait qu'il sera écouté. Puis il y a un autre homme, Alibert. Ah, oui, celui-là, je sais. Raphaël Alibert, qui sera un des ministres de Vichy, c'est ça ? C'est ça, celui-là. C'est un monarchiste convaincu. Et lui aussi va conseiller le maréchal. Bon, conclusion, les deux mentors de Pétain sont des ennemis de la République. Or, on va les retrouver en permanence auprès de lui. Ouais. Donc, d'accord, je veux bien. Ils appartiennent tous les deux à la droite extrême, hein, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Bon, mais c'est pas pour autant qu'ils complotent. Parce que là, je ne vous ai pas encore parlé de l'ombre qui rôde sur la France de l'avant-guerre. Une organisation redoutable, souterraine, qui va de peu d'ailleurs, hein, rater la prise du pouvoir. Je veux parler de la cagoule, dont sciemment on a minimisé à la fois la puissance et l'influence. Mmh. Quelle que soit la couleur de la peau, le pays d'origine, costume sari ou sombrero, en pousse-pousse, en pirogue, en vélo, en mob, en limousine, des pifetons plein les poches ou rien sous l'eau. Heureux, malheureux, fille à la peau douce, les grands, les petits, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, les brunes, les rousses. Dès que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est dès que l'on respire, c'est le même pour tous. Céleste empire au pays pamplemousse, l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. De nos ancêtres du fond des âges, nos petits bambins qui poussent, l'air que l'on partage, c'est le même pour tous. C'est le même navire pour l'amiral ou le mousse, l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire. Politiciens prospères, youp la boum, tous les hommes de fer, les athées, les messies, les pim pam poum, amoureux de prince ou d'homme cassou, vivant sur la terre, dans les cas où les bolivines roux. Heureux, malheureux, fille à la peau douce, les grands, les petits, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, les brunes, les rouges. Cœur qui chavire, chanteur qui se trémousse. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est le même, c'est le même, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est que l'on respire, c'est que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. On retrouve Patrick Pénaud et Monsieur X. La cagoule. On va en reparler, bien sûr. Et pour ceux que ça intéresse, je conseille sur ce sujet le livre très documenté de Philippe Bourdrel. Mais je voudrais revenir sur la personnalité de Pétain. Au fond, qui était-il en réalité? Pouvait-il être manipulé? Sur son caractère, j'ai retrouvé un témoignage extrêmement curieux. Celui du général Gamelin, le grand vaincu de 40. 7 ans plus tard, Gamelin est entendu par la commission de l'Assemblée nationale chargée d'enquêter sur les événements. Voici ce que le général déclare, je le cite. « J'ai entendu le maréchal Foch dire ironiquement « Envoyez Pétain, s'il n'y a rien à faire, c'est son affaire. » Il l'a dit en une autre occasion, sous une autre forme. « Quand il n'y a rien à faire, c'est l'affaire de Pétain. » Et Gamelin d'ajouter que Joffre et Foch pensaient que Pétain était un négatif, un esprit foncièrement défensif et qui, en toute chose, était contraire à l'action, c'était sa forme d'esprit. Bien sûr, il faut tenir compte du ressentiment que devait éprouver Gamelin. Mais ça donne quand même un éclairage intéressant sur un personnage qui, selon M. X, semble s'être assez facilement laissé manipuler ou endoctriner par ses conseillers politiques. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la cagoule, hein, cette fameuse organisation secrète qui a été en partie démantelée par le ministre Mac Dormoy. Bon, il l'opéra d'ailleurs plus tard de sa vie. Ouais, au début de la guerre, hein, je crois. Cette organisation, donc, bénéficiait de l'appui financier de très grands industriels. Elle avait constitué des caches d'armes un peu partout en France, et je vous l'ai dit, il s'en est vraiment fallu très peu qu'elle ne fasse tomber le pouvoir. Tout ça, aujourd'hui, est à peu près connu. Oui, et non. Parce que j'insiste encore une fois, on a sous-estimé la puissance de nuisance de la cagoule, à dessein d'ailleurs. Puis d'abord parce que trop de personnes importantes étaient compromises avec elle. Imaginez-vous qu'au sein même d'une des plus hautes instances du pays, le Conseil supérieur de l'armée, on compte une majorité de cagoulards. Et je vous rappelle que Pétain faisait partie de ce Conseil supérieur. Ah, alors nous y voilà. Alors, hein, une seule question se pose. Le maréchal Pétain en était-il ? Voilà, j'hésite quand même à vous donner une réponse, parce que, bon, j'ai pas l'habitude d'affirmer sans preuve. Vous avez quand même bien une idée sur la question, hein. Le contraire m'étonnerait. Bah, si c'est mon opinion personnelle que vous demandez, là, c'est différent. Dans ce cas-là, ma réponse est oui. Ouais. C'est-à-dire que vous croyez que le maréchal Pétain appartenait à cette organisation secrète, la cagoule ? Bien sûr. Autour de lui, il n'y avait que des cagoulards. Lemery, Alibert, tenez, j'en ai encore oublié un, Loustano Lacot. Officier au cabinet du maréchal lorsque ce dernier a été ministre de la guerre. C'est la plume de Pétain quand de Gaulle rend son tablier de nègre. Et c'est surtout l'animateur d'un réseau cagoulard, le réseau Corvignol. Bon, c'est pas tout. Un autre proche, très proche de Pétain, hein, le capitaine Bonhomme, le propre aide-de-camp du maréchal. Il en est, lui aussi. Ça commence à faire beaucoup, non ? Bon, et à cette époque-là, à la fin des années 30, le maréchal était quand même très loin d'être gâteux. Il pouvait pas ne pas le savoir. Ouais. Mais je le souligne à nouveau, hein, pour la vérité historique, vous n'avez pas de preuves. Et puis, autre question, c'est cagoulards qui cernaient le maréchal. Que voulait-il exactement ? Bah, vous ne l'avez pas deviné. Ils voulaient abattre la gueuse, pour eux c'était la moindre des choses. Mais ils voulaient surtout porter au pouvoir le seul homme capable d'incarner leur ambition, Pétain. Donc cagoule, Pétain, même combat. Voilà, bah, c'est plus clair maintenant. Et Laval dans tout ça, c'est un cagoulard lui aussi ? Bon, en tout cas, il grenouille dans le même sens. Il agit en sous-main auprès de ses amis allemands, italiens, espagnols, à qui il dit en substance « Aidez-moi, Pétain est derrière moi. » « Aidez-moi. » Bah oui, pour faire aboutir un complot, bon, ils font non seulement des appuis politiques, bon, éventuellement des armes, mais surtout de l'argent, beaucoup d'argent. Et chacun sait que c'est l'Italie fasciste qui sera, avec les grands industriels français, le principal pourvoyeur de fonds de la cagoule. Pourtant, je croyais que les relations entre Pétain et Laval, même avant Vichy, ces relations n'étaient pas toujours au beau fixe. C'est juste. Le vieux se méfiait de cet aventurier de la politique au bagout extraordinaire. Mais quand on veut à tout prix arriver au pouvoir, bah, il faut bien faire des concessions. Puis bah, entre ces deux hommes, il y avait ce diabolique Loustano Lacot qui faisait, comme on dit aujourd'hui, le go-between. Le go-between, oui. Mais donc, si je vous comprends bien, le maréchal masque ses répugnances pour Laval. Oui, et en 1938, dans le journal du cagoulard Lemery, la bombe éclate. La France a besoin d'un chef. Un vrai. C'est Pétain qu'il nous faut. À partir de là, comme dira plus tard De Gaulle, le processus s'est engagé. Piano, les amis de Clichy et de Levallois, sans retourner tous les soirs très tard de chez moi, il repartait en Fredon en caravane, monté sur des chameaux en forme de bécane, et tout seul je restais sans toi ni personne. Oh, tant de choses qui me ramènent à l'automne de cette année 1941. J'avais 15 ans et j'écoutais Duke Ellington, Duke Ellington. Patrick Penaud, Monsieur X, suite et fin. Gamelin toujours. Dans ses mémoires publiées sous le titre « Servir », il raconte que le président Daladier lui a demandé de faire une enquête sur la présence des cagoulards dans le haut commandement de l'armée. Mais, écrit Gamelin, il devait être entendu que je ne pourrais pas m'occuper de nos deux maréchaux de France, Pétain et Franchet d'Espéret. Or, tout faisait supposer que leur responsabilité était la plus engagée. Autre élément d'information sur les relations éventuelles du maréchal avec la cagoule, voici ce que j'ai trouvé dans un livre de Philippe Simoneau, « Les secrets de l'armistice », paru en 1990 chez Ballant. L'auteur parle de la publication en 1986 des mémoires d'un certain Angelo Tasca, un fasciste italien qui s'est trouvé à Vichy dans les services d'information. Je cite Simoneau. L'une des révélations contenues dans les carnets de Tasca est que l'Emery, en 1936, a lancé son propre journal L'Indépendant avec l'argent de la cagoule pour soutenir à fond et sans réserve l'organisation secrète. Alibert, lui aussi, appartenait à la cagoule. Par conséquent, les deux mentors politiques du maréchal complotaient contre la République. Comment imaginer que Pétain n'en fût pas averti ? Voilà donc ce que dit Simoneau, ce qu'écrit Simoneau. Or, vous l'avez noté, c'est le journal de l'Emery qui, en 1938, appelle Pétain à prendre le pouvoir. Bon, je vais essayer d'aller vite. 1939, il est déjà loin, le Front populaire. La guerre approche et la République se déchire et bon, ça va être pire, encore pendant la drôle de guerre. Reynaud ne supporte pas Daladier et veut avoir la peau du patron de l'armée française, Gamelin. Et pendant ce temps, dans l'ombre, les comploteurs tissent leur trame. Et au fait, où est Pétain pendant ce temps-là ? En Espagne, ambassadeur chez son vieil ami Franco. C'est le taureau du Vaucluse, Daladier, qui l'a envoyé là-bas, sans doute parce qu'il le trouve trop encombrant à Paris, ou plus certainement parce qu'il le soupçonne d'être de connivence avec les ennemis de la République. En tout cas, Pétain est en Espagne, et il piaffe. Et à la première occasion, il revient à Paris. On est alors en mai 1940, et les événements vont se précipiter. Il est ambassadeur, donc j'imagine quand même que le gouvernement est informé de son retour. Précipité. Oui, bien sûr, et le maréchal est même reçu par le président Reynaud. Mais ce n'est pas la rencontre la plus importante qu'il fait. Et là, je peux parler à la première personne, parce que Pétain se rend chez un homme que nous avons à l'œil depuis longtemps. Nous, c'est qui ? Bon, vous savez très bien. Oui, ouais, bien sûr. Alors, cet homme, c'est qui ? Anatole de Monzy. Un drôle de pistolet. C'était un ministre, si je ne m'abuse. Très juste, un ministre à répétition, d'ailleurs. Mais c'était surtout un agent d'influence, radical de droite, officiellement, mais surtout agent soviétique au début des années 30. Et maintenant, passé de l'autre côté, un virage à 180 degrés. Monzi est aujourd'hui pro-italien. C'est aussi un ami intime d'Otto Abetz, de Darquier de Pellepoix aussi, de Fernand Brinon. Bref, un ami de tout ce qui constituera la fine fleur de la collaboration. Et c'est cet homme-là que Pétain va voir en son ministère dès son arrivée à Paris. Alors ce Monzi, c'est aussi un comploteur. Sûrement. Et un agent de l'ennemi, soyons clairs. C'est pour ça qu'on le surveille. Ensuite, tout va très vite. Le 10 mai, c'est l'attaque des panzers d'Hitler. Et tout de suite, c'est la débandade. Bon, inutile d'y revenir. Le 18, alors que la situation est déjà très préoccupante, Reynaud fait entrer Pétain au gouvernement. Ça y est. Le loup a pénétré dans la bergerie. Il n'en ressortira pas. Ouais. Admettons encore une fois, mais il y a aussi la même période, le limogeage de Gamelin. Oui, on le remplace par Végan, 73 ans aux prunes, vous imaginez. Un général qui n'a qu'une envie, tout comme Pétain, c'est qu'on arrête de se battre. Et à partir de là, c'est très intéressant de décrypter les événements à la lumière de l'existence d'un complot contre la République, parce que les comploteurs n'ont qu'un seul but, en finir avec cette guerre désastreuse, dont la responsabilité, selon eux, incombe totalement à la République. En finir parce qu'ils sont sûrs que dès que l'armistice ou la paix seront signés, le pouvoir tombera entre leurs mains comme une pomme bien trop mûre. Voilà la vérité. Donc, ces comploteurs ont parié sur la défaite. Ah oui, parce que c'était le plus sûr moyen de prendre le pouvoir. Quand même, pour eux, c'était pas gagné d'avance. Mais si, ça poussait de tous les côtés. Fin mai, Laval déclare au Sénat « C'est Pétain qu'il nous faut ». Le même jour ou à peu près, Pétain dépose une note sur le bureau de Reynaud. Il prend la défense de l'armée et accuse le pays d'avoir péché par paresse et manque d'efforts. C'est Vichy, déjà. Un peu plus tard, Pétain préconise l'armistice. Mis au courant, Churchill est effaré. Pour lui, c'est du défaitisme. Et puis, il y a ce coup d'État en douceur du 13 juin, dont je vous ai déjà parlé. Et enfin, trois jours plus tard, l'ultime coup de théâtre à Bordeaux, au cours d'un conseil des ministres particulièrement tendu, Reynaud annonce sa démission. Et Pétain est nommé séance tenante à sa place par le président Lebrun. Pétain, qui comme un prestidigitateur sort un papier de sa poche, c'est la liste de ses ministres. Alors qu'il ignorait en principe qu'il serait nommé par le président Lebrun. Oui, mais tout était prévu. Bon, à ce moment-là, la comédie est finie. Un armistice honteux va être conclu avec Hitler et Mussolini. Et puis bientôt, la République aura vécu. Ce soir-là, j'ai eu du mal à arrêter M. X tant je le sentais encore ému, rageur, partial sans doute, mais au fond, il a vécu ces événements en témoin, je vous le rappelle. Il m'a donc encore parlé, pour justifier sa thèse, de toutes ces villes qui ont été mystérieusement déclarées ouvertes comme pour mieux faciliter le passage de l'ennemi, ou encore du choix de l'Espagne comme intermédiaire avec les Allemands, l'Espagne qui penchait alors ouvertement du côté des puissances de l'Axe. Curieux choix, effectivement. En tout cas, c'est à vous de conclure. J'oserais presque dire, en votre âme et conscience. Toutefois, avant de nous quitter, je voudrais citer un autre extrait de l'audition du général Gamelin devant la commission d'enquête parlementaire. Gamelin y déclare que, dès 1934-1935, Pétain avait des ambitions politiques. D'ailleurs, dit encore le généralissime vaincu de 1940, le président Daladier le savait bien. Et Gamelin ajoute, ce qui n'est guère aimable, chez lui, il parle de Pétain, chez lui se sont développés, surtout quand il est devenu sénile, son incapacité d'action et son égoïsme. C'était un homme profondément égoïste. Sans commentaire, à samedi prochain.